France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 168. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 21 juin 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Avant tout, ce matin, dans Panique au Mangin Palace, pour ce dernier épisode de la saison, tu es plein de compassion pour tous ces lycéens qui planchent avec leur stylo dans la main pour devenir la France de demain. Bonjour monsieur, il paraît que la veille du bac, il faut que les élèves se détendent. Oui, c'est vrai. Mais ils ont qu'à regarder les chiffres du chômage, ça va les calmer, je pense. Ils vont être détendus, là. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités, manipulé par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office politique et freudien, durant lequel nous reviendrons ce matin sur cette sublime saison socialiste. Dans la foulée, par esprit d'équité bien sûr, nous reviendrons également sur la saison 2 du président Sarkozy à la tête du pays. Et là, crois-moi, c'est que du lourd, que du bon. Ensuite, nous descendrons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont assisté jeudi dernier au bal des Foucault, où Jean-Pierre et Michel se sont lancés dans une réflexion sur la vieillesse, une improbable discussion que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où nous te raconterons le dernier épisode de la guerre de récession, afin de découvrir les vacances pas chères que sont en train de s'organiser Monique et Jean-Claude. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter. Au programme aujourd'hui, l'Iran, Kirak. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte sévèrement le son et surtout n'oublie pas, ne vis que pour le plaisir. She thought she'd stay. FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. Ma Baker, c'était la formidable boulangère grâce à qui Boney M. a fait son beurre en 1977. Alors qu'aujourd'hui, franchement, pour mieux gagner sa croûte, il faudrait un miracle. Jésus multipliait les pains. Vous pouvez multiplier votre capital grâce à la banque d'escompte pour l'aviation et l'industrie. Croissez et multipliez, a dit le Seigneur. Eh oui, après 6 mois de crise, désormais seul Jésus pourrait nous faire oublier la mouise avec, pourquoi pas, des noces de cannabis. Mais bon, pour l'instant, à 11h10, vautre-toi confortablement, bien sûr, afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 168e et dernier épisode de la saison que nous allons entamer dès à présent par notre traditionnelle petite session freudienne, en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons décidé ce matin de revisiter cette sublime saison que viennent de nous offrir les dirigeants du Parti Socialiste. Du zénith de l'automne à la gamelle du printemps, voici le bilan. Allez, en route maestro, tend bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Je comprends que ce n'est pas le meilleur moment, mais... Le Parti Socialiste est-il ce matin encore le centre de gravité de la gauche de l'échiquier politique? Que savez-vous de cette histoire? C'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de ramifications. Un meeting politique en forme de show au Zénith entre deux chanteurs ou humoristes. Ségolène Royal a fait le spectacle devant 4000 fidèles acquis à sa cause, se présentant en apôtre des 100 grades, en mère courage de l'opposition. Ça ramifie un maximum. Je suis là aujourd'hui, je serai là demain. Rien ne me fera reculer sur ce chemin que j'ai choisi. Et les porte-flingues de l'Élysée qui m'ont conseillé de consulter médicalement, pensant que je perdais la tête. Et ça t'arrive souvent de fumer ? Cette fois, elle y va, ça y est, c'est dit. Ségolène Royal se portera candidate au poste de premier secrétaire. En face, les autres prétendants au poste sont toujours divisés. Si on leur disait qu'ils sont au bord du gouffre, ils feraient encore un pas en avant. Ce week-end, le parc des Expos à Reims était équipé du tout à l'ego. Bataille de chef, 4 motions, 4 ambitions. Oh non ! Quoi ? Il faut bien qu'on sache ce qui se passe. Non mais on sait ce qui se passe. Il manquerait plus que ça. Non, ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. Presque aussi sympathique que les propos entendus lors du congrès de Reims. Un congrès qui, ce matin, fait bien sûr la une de la quasi-totalité des journaux. La une de la presse nationale. Le Figaro évoque un fiasco. Libération, un naufrage. Et Le Parisien aujourd'hui en France s'interroge, où va le PS ? Allez-y, roulez ! Deux congrès ratés en vote contesté, en passant par la commission de récollement, à l'issue d'une cascade d'affrontements et de déchirements. Ils sont dangereux ? Des vraies bombes atomiques. Le PS s'est enfin trouvé une première secrétaire, en la personne de Martine Aubry. Son élection a été validée par le Conseil national, le Parlement du parti. Mais elle ne va recevoir aucune aide psychologique ? Non. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. La campagne européenne touche à sa fin. Les sondages placent le Parti Socialiste autour de 20% d'intention de vote. Ce n'est pas fameux. Comment l'expliquez-vous ? Un clivage entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Il en résulte une défaillance à la fois du système perceptif et du système cognitif. D'abord, je pense qu'on vient de loin. Et même si on s'est remis au travail, même si on s'est unis, même si on parle aujourd'hui aux Français, même si on leur prépare un projet et qu'on souhaite réunir la gauche... Je suis sûre qu'il y a bien quelque chose à faire, non ? Le chemin est long. Et je crois justement qu'on a besoin d'être soutenu pour que demain la gauche puisse mettre dans les urnes en 2012. Ce qui est encourageant, c'est qu'elle est une candidate idéale. Ce qu'elle dit aujourd'hui de la politique libérale, de l'Europe. Ça va pas marcher. Mais aussi de Nicolas Sarkozy. Zoltan ! Résultat. 10 jours après l'échec aux élections européennes. Ah, tu vois ? Alors que le PS sonné peine à reprendre ses esprits et tente de se retrouver collectivement, Manuel Valls annonce sa candidature à la candidature. C'est hallucinant. Voilà un bâton de dynamite lancé, d'abord chez les cadras, qui se rêvent tous en présidentiable de secours. Valls, s'il est un très bon client médiatique, pèse peu dans l'opinion par rapport à DSK, Bertrand Delanoë, Martine Aubry ou Ségolène Royal. Si vous gardez votre sens de l'humour comme vous le faites, vous pourriez bien vous en tirer après tout. Certes, le Parti Socialiste n'est pas au mieux de sa forme. Mais bon, Il faut dire aussi qu'en face de lui se dresse un redoutable stratège politique en la personne de Nicolas Sarkozy. Alors, justement, essayons maintenant de comprendre, toujours à travers les événements de ces derniers mois, comment le président de la République s'y est pris pour qu'au final, l'UMP remporte 28% des suffrages lors du dernier scrutin européen. Car, avant tout, souviens-toi, à la fin de l'été dernier, ce n'était pas une affaire gagnée. Monsieur Sarkozy n'était pas au mieux dans les sondages, à tel point que l'ennuyeux François Fillon caracolait en tête, dis donc. Ce qui d'ailleurs gonflait sérieusement Nicolas, qui régulièrement mettait les choses au clair avec le Premier ministre. Quand on est en réunion avec les autres, je veux que tu la mettes en sourdine. C'est pourtant ce que je fais, monsieur. Non, tu m'as compris. Contrôle un peu ton ego. Parce que n'oublie pas, c'est moi le président. Hein ? C'est moi le décideur. Oui. Drôle d'ambiance entre les deux têtes de l'exécutif à l'automne dernier. Un brin revanchard, François Fillon se réjouissait de voir s'effriter la popularité de Nicolas Sarkozy et forcément, des tensions sont apparues dans les rangs de la majorité parlementaire. Quand, soudain, une incroyable aubaine s'est présentée, le krach boursier. Immédiatement, M. Sarkozy a saisi l'opportunité, en tant que président de l'Union européenne, de devenir le pourfendeur d'un système économique, certes, qu'il a toujours défendu, mais que désormais tout le monde vilipendait. Ce système, ce n'est pas l'économie de marché, ce n'est pas le capitalisme. L'économie de marché, c'est un marché régulé, le marché mis au service du développement, au service de la société, au service de tous. L'économie de marché, ce n'est pas la loi de la jungle. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, Valessor. Ce n'est pas des profits exorbitants pour quelques-uns et des sacrifices pour tous les autres. L'économie de marché, c'est la concurrence qui réduit les prix, qui élimine les rentes et qui profite à tous les consommateurs. Fais un somme sans méfiance, je suis là, aie confiance. Bon, alors peut-on dire ce matin que c'est parce que Monsieur Sarkozy a hypnotisé les Français durant tout l'automne avec ses milliards d'euros contre la crise, qu'au final, l'UMP a cartonné dans les urnes au printemps ? Non, sans doute pas, puisque les chiffres du chômage sont de plus en plus désastreux et surtout, on n'a rien changé dans le système boursier. Mais alors, d'où provient cette victoire électorale ? Ah, si, peut-être parce qu'en décembre dernier, Monsieur Sarkozy a beaucoup œuvré pour relancer notre commerce extérieur. La visite du colonel Kadhafi en France est très critiquée. Mais c'est quand même extraordinaire, ça. Dans ce pays, il n'y a que ceux qui font rien qui ne sont pas critiqués. Pourquoi est-ce qu'on critique ? C'est quoi, critique ? Non, c'est rien. Il dit que vous êtes très beau et très sympa. Mais pas du tout. Chut, tu tais. Regarde l'artiste. Tiens, ça, Airbus, ça vole. Il y a des gens dedans, tu te rappelles, t'as tiré dessus. T'en veux ? T'en veux combien ? Moi, je ne sais pas, 50. Bon, je t'en mets 60, le 10 autres, c'est pour moi. Alors, ça maintenant. Non, écoutez, je suis journaliste, je veux revenir sur la Journée internationale des droits de l'homme. Bon, fais pas fuir la clientèle, toi, hein. Alors ça, centrale nucléaire, ça fait tout. Électricité, bombes, t'en veux combien ? Une. Non, une, ça suffit pas. Les centrales nucléaires, c'est comme les chaussettes, ça va par deux. Bon, allez, je t'en mets deux. Si ça convient pas, je te rembourse intégralement. Eh ben voilà, ça nous fait du 5 milliards de dollars tout rond. Pas de problème. Vous êtes content, quoi. Non, j'ai juste un petit regret. Ah, quand même. Sur les droits de l'homme, j'imagine. Non. S'il m'en avait pris pour 7 milliards, je lui filais la Légion d'honneur. Oh, dommage. Bon, vous n'en faites pas, colonel. Je suis sûr que vous finirez par l'avoir. Cela dit, on ne peut accréditer 28% des suffrages uniquement à la visite du colonel Kadhafi. Bon, continuons à réfléchir. Ah, si, ça y est. Toujours en décembre, M. Sarkozy a su rassurer ses compatriotes, bien sûr. Et oui, lorsqu'il a décidé d'emprisonner ce dangereux terroriste de Tarnac, D'ailleurs, Nicolas avait bien expliqué à Claude Guéant ce qu'il fallait faire. Les ennemis de l'État sont des gens arrogants. Surtout, notez-le bien. Il faut être patient avec eux. Disons environ 40 heures. Pourquoi faut-il le tenir si longtemps éveillé? Je veux dire, c'est inhumain, non? Si dans le cas que nous étudions, cet homme est innocent, il devient au fil des heures de plus en plus furieux. À cause de l'injustice qui lui est infligée, il crie, il fulmine. Un coupable devient, au contraire, plus calme. Il se tait. Ou pleure. Pour savoir si cet homme est coupable ou innocent, il n'y a pas de meilleur moyen que de le questionner jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Évidemment, 6 mois plus tard, Julien Coupa a été libéré. Parce qu'en gros, il n'y avait aucune charge contre lui. Incroyable! Et là, forcément, tu vas me dire que ce n'est pas après un tel abus de pouvoir que l'UMP a pu gagner 28% des suffrages. Et tu as sans doute raison. Mais je ne suis pas certain non plus qu'on puisse attribuer cette victoire électorale à la manière dont Yves Jégot a géré la crise en Guadeloupe l'hiver dernier. Le premier consul Bonaparte m'a envoyé ici pour rétablir l'ordre. Et j'entends le faire vite. Mon intention est de me rendre dès demain matin à la Basse-Terre. J'attends de chacun de vous une obéissance sans faille. Et je ne tolérerai aucun débordement d'aucune sorte. Ensemble, nous pourrons alors ramener la paix civile en Guadeloupe. Vive la République! Vive la France! Bon, alors faisons le point. Kadhafi, c'est trop mince. Coupa, c'est trop gros. Et la Guadeloupe, un fiasco. Ça y est, j'ai trouvé. Cette victoire électorale de Nicolas Sarkozy le 7 juin dernier, c'est évidemment parce que jamais auparavant, un président de la République n'aura été autant apprécié par les jeunes. Maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller leur dire « Pardon, mais l'université est fermée, c'est la grève. On vous sifflera quand ce sera terminé. » Ce pays est en train de sombrer dans le fascisme. Les flics sont déjà dans le campus. Vous voulez qu'ils viennent s'asseoir dans les amphis? Vous voulez qu'ils viennent chez vous, qu'ils vous suivent dans la rue? Vous voulez attendre qu'on en soit là pour devenir des révolutionnaires? Moi, je dis que notre université doit être fermée, c'est tout, et que personne ne doit venir nous emmerder. Mais... Et quand ils décideront de la rouvrir, il faudra d'abord qu'ils acceptent nos conditions. Mais pourquoi? Voilà, c'est pourquoi très empêcher simple. Pourquoi empêcher les étudiants qui veulent quand même aller au cours? Parce qu'ils sont contre nous. Parce qu'ils nous empêchent d'obtenir ce qu'on mérite d'avoir. On a tout essayé, tout fait pour négocier honnêtement. On a rédigé des programmes, discuté, et en fin de compte, on n'a rien obtenu. Et je ne suis pas la seule à le penser. Je ne sais pas pourquoi, mais d'ici, je te sens sceptique sur le lien entre ces 28% et les étudiants. Alors écoute-moi bien. J'ai une dernière proposition à te faire pour tenter d'expliquer cette victoire de l'UMP. Vois-tu, sincèrement, je crois que l'amitié profonde qui est en train de naître entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama n'y est pas pour rien. Surtout depuis leur première rencontre à Londres à l'occasion du G20. Le président des États-Unis avait organisé une conférence au sommet avec l'homme le plus intelligent du monde. Alors t'es un malin? Non, non. Je croyais que t'avais la tête bien plus grosse. Non, C'est incroyable. On dirait une cacahuète. Bon, là, franchement, je ne sais plus quoi te dire. La réalité, c'est qu'en effet, l'UMP de Nicolas Sarkozy a remporté les élections européennes avec 28% des suffrages. C'est incontestable. Malheureusement, nous n'avons pas su expliquer ici ce matin pour quelles raisons. Alors, le mieux, pour finir, c'est peut-être de lui laisser la parole pour qu'il puisse réagir à ce que nous venons de dire ici à son propos. Monsieur le Président de la République, nous écoutons vos commentaires. Franchement, c'est ridicule. Écoutez, soit il y a des éléments, donnez-les-nous. Franchement, c'est grotesque. Voilà, c'est ma réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il vous plaît, qui peut croire à une fable pareille? Qui peut croire une femme pareille? Et puis si vous avez des éléments, donnez-le à la justice et demandez à la justice qu'ils enquêtent. Enfin, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? Come on, come on, wax Taylor. Wax Taylor on the beat once again. State of mind for the blind one. Check it out. Say yes. If you think that you should be, but you fail. Say yes. For the artists that be keeping it real. Say yes. And if you got the spirit, stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to blood sucking down, pressing man. Say no if you're ready for some buckshot land. Say no if you're fed up and ready to roar. Say no way, y'all. No way, y'all. Is for the refugees, the child soldiers, carrying the weight of the world upon their shoulders, the homeless, a few true microphones, not afraid to raise the fist, to use the groove against the opponents, you perform for the Haitian, and rhyme for Rwanda, kick it for the Congo, on the one for Obama, I bring the drama like a suicide bomber, for the people of Tibet and the Dalai Lama, I'ma pass it over cause I'm too vexed to keep on, the kind of crap designed to make you clap, yet we weep on, the trees gone cut all across the globe, can't nobody see, we've had a Holocaust before. Hey yo, what's the cost of hope? And that of a democracy. Liberty, freedom, and equality. You follow me? The cause of peace now's pivotal. Lyrical, spiritual cleansing of minds. The strike scripts. Say yes. Yes. You think that you should speak what you feel? Say yes. But the artists that be keeping it real. Say yes. Yes. And if you got the spirit, stand tall and say yes, yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no till the blood sucking down, pressing man. Say no if you're ready for some buckshot. Uh-huh. Say no. Fed up and ready to brawl. I say no way, y'all. No way, y'all. No way, y'all. Y'all soldiers at attention. Digging trench, and oh, did we forget to mention? We got the tailor on the table's reinvention of guerrilla warfare. Dodging silver bullets as we're leaping through the crosshairs. Clear. Ready for attack mode. I'm about to bridge event horizon of the black hole. The last bowl of soup has been slurred. See, we gotta come together to make the thing work. I say yes. If you think that you should speak what you feel. Be keeping it real. Say yes. And if you got the spirit, stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to the blood sucking down for some man. Say no if you're ready for some punk shack of life. Say no if you're fed up and ready to draw. Say no way, y'all. No way. Say yes. C'est ce que nous demande le Wax Taylor, mais c'est aussi ce que voudraient entendre les dirigeants européens qui viennent de permettre aux Irlandais de voter à nouveau sur le traité européen de Lisbonne, auquel ils avaient dit non en juin 2008. Allez hop, on revote, ça ne manque pas d'air. Oui, oui. Oui, bravo, oui, bravo, oui. Bravo, bravo, félicitations, oui, oui. Bravo, oui, oui. Merci à tous. Hip, hip, hip, hourra. Vive, oui, oui. Hip, hip, hip, hourra. Bien. Après avoir revisité, avec talonnette, la dernière saison de notre président, enfin, la dernière, je veux dire celle qui va terminer, hein, parce que... Bref, la panique au Mangin Palace s'ouvre dès à présent à 11h27, sa curieuse séquence consacrée aux actualités du lointain. Il y a 25 ans, le 25 juin précisément, Michel Foucault nous quittait, et sa voix prenait alors ses quartiers pour l'éternité, dans le conservatoire de la mémoire que sont les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Et, cette semaine, les voix de nos joyeux fantômes radiophoniques, folles de joie, ont assisté au bal des Foucault, qui se sont pointés en masse. Alors, auscultons avec attention ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on était fous. Il faut dire qu'on attendait deux stars. Jeudi soir, Michel Foucault et Jean-Pierre Foucault sont venus boire l'apéro. Chez nous. Très vite, la conversation a dérivé des sujets d'actualité à des questions plus personnelles. Et Michel nous a expliqué qu'il essayait de convaincre Jean-Pierre de prendre sa retraite, bientôt. Mais Jean-Pierre hésite, car, Michel Foucault le sait, notre société n'est pas tendre pour ceux qu'elle juge inactifs. Les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent, ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là, les maisons de repos, de là, les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté, dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation, déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse, et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux, du moins, qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite. Mais au lieu de suivre ses conseils avisés, Jean-Pierre Foucault s'est braqué du haut de ses 61 ans passés. Et du coup, il a appelé Laurence Parisot à la rescousse, qui en a rajouté une couche. Mon cher Jean-Pierre Foucault, c'est à vous. Merci. Alors, ma chère Laurence, vous préférez la copie ou l'original? Si on décide de partir à la retraite à 63 ans et demi, je dis bien 63 ans et demi, eh bien, nous pouvons atteindre l'équilibre financier du régime général. Est-ce que c'est si catastrophique que ça de partir à la retraite à 63 ans et demi? Pas forcément. Ça me fait plaisir. Perplexe et tracassé, Michel Foucault a tenté alors d'expliquer à Jean-Pierre que l'on n'a qu'un corps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête qu'il va falloir me montrer et me promener. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Michel Foucault a encore insisté. Ce serait dommage d'épuiser ce corps au travail avant d'avoir tout le temps d'en profiter. On a publié des kilomètres de textes sur la masturbation et je porte le beau plaisir d'être intervenu une fois. Et vous y trouvez en particulier ceci, que la masturbation dessèche l'organisme. Il y a d'ailleurs une expression populaire, je ne sais pas si vous la connaissez, pour dire jouir, qui est se démoiler. Mais non, je ne connaissais pas. C'est très très joli, mais en réalité, ça se réfère à la vieille idée médicale que le sperme vient de la moelle. Bon, et alors on dessèche son organisme. Or, cette idée, vous la trouvez. Le texte dont je parle, là, qui date de 1940-45, dit que les garçons risquent de devenir comme les harengs. Mon Dieu. Desséchés. Et depuis cette soirée, Jean-Pierre Foucault a fait des compromis. Il a arrêté la télé. Maintenant, il fait de la publicité. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours. Où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien nain. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Rien à branler. Un yaourt qui change les idées. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir vécu pour nous cette sacrée soirée où les fous côtoient les voix des archives de l'INA qui ont toujours le dernier mot. Et pour nous, l'ordre du discours, c'est de filer maintenant vers nos actualités locales, car il est l'heure de notre décrochage régional, direction Gros Boule des Pins. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, rejoignons pour la dernière fois de la saison notre petit village fleuri où nous attendent nos deux héros qui préparent leurs vacances, Jean-Claude le maillet et Monique la sardine. Eh oui, ça y est, c'est l'été et tout le monde dans la famille se fait une joie à l'approche des vacances puisque pour Monique et Jean-Claude, la destination cet été n'est rien de moins que les îles Hawaï. Eh oui, c'est l'effet Obama, bien sûr. Enfin, tout cela était vrai jusqu'à mercredi dernier. Maman, il y a un espèce de con qui vient de garer son camping-car devant chez nous. Quoi? Oh putain, le con en question, c'est ton mari. Oh, je l'ai eu. C'est quoi, ça? Un camping-car. Et pourquoi c'est devant chez nous? On part en vacances avec. On part plus à Hawaï? Franchement, on va à Hawaï en hiver, c'est l'été et j'ai mieux. À Hawaï, on s'ennuierait à mourir. Il déconne, là, il fait de l'humour. Moi, j'allais surfer. Bien joué, papa, merci. L'hôtel de Hawaï avait une salle de muscu. Est-ce qu'il y en a un de vous qui respecte mon programme de développement? Mais le programme de développement des enfants, Jean-Claude s'en soucie totalement. Et il le prouve aussitôt en sortant de son camping-car, l'accessoire idéal qu'il vient d'acheter pour être au diapason de Rémi, son fiston. Et tiens, fiston, je me suis acheté une planche pour venir skater avec toi. Oh non, c'est pas possible, papa. Ah bon? On peut pas en faire n'importe quoi. En plus t'as mis un t-shirt Superbus, regarde-toi. ouais mais bon fiston, je me suis teint les cheveux en bleu. Je suis pas sûr que ça soit mieux. J'ai pris des cours sur internet. T'as rien compris, c'est dans la tête. T'as pas le spirit pour faire du skate. Pour faire du skate, du skate, du skate, du skate. Bon, comme Rémi ne semble pas vouloir faire du skate avec lui, eh ben Jean-Claude a ressorti son jokari. Mais pendant que se déroulait ce petit différend familial, Monsieur Baudard, le voisin de Jean-Claude, attiré par ce camping-car garé devant chez lui, s'est approché subjugué. Oh, t'es immense, Jean-Claude. Ah, oh, je suis fan. Hey, JC, elle est mortelle, ta roulotte. Qu'est-ce que t'as dit, hein? J'ai dit ton camping-car. Bon, hey, tu me fais visiter le palace un peu? D'accord, mais tu te pompes pas. Hein? Ok. La vache! C'est presque aussi grand que chez moi, dis donc. Alors à gauche, le champ de tir. Ouais. À droite, les commodités. Ah ouais, hein, c'est ce que je dis, t'es une pièce de plus, hein? Bon, allez, passe devant, je te fais visiter le cockpit. C'est vrai? Fais attention à ta cendre. C'est un honneur. Oh, l'air bûche! Hey, et si je te disais que ça se conduit avec un doigt? Allez. Hey, j'ai rien touché. T'inquiète, on sonne au château. Qui va là? Oui. Jean-Claude n'a pu s'empêcher d'installer une jolie sonnette sur son camping-car. Et c'est Monique qui déboule. Elle est assez étonnée et un peu en colère de constater que le voyage à Hawaï a été remplacé par une excursion en camping-car. Mais avant même qu'elle n'ait le temps d'hurler sa rage, Jean-Claude lui explique pourquoi cette année, il a décidé de changer le plan des vacances. Tout simplement parce qu'il n'a plus un rond, plus une thune, plus rien. Il rampe pour rembourser ses crédits, il pleure comme un enfant devant son banquier, et il ne lui reste plus que sa chemise et encore. Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Cette caravane, mais nous partons, allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Bon, et d'accord, dit Monique. Mais où vont-ils aller avec leur camping-car? Sur la Côte d'Azur? Au Pays Basque? Ou bien dans le Luberon? Non, non, trop cher tout ça, répond Jean-Claude. Il a trouvé la destination idéale pour des vacances abordables. La Picardie. D'ailleurs, ils en ont déjà parlé tous les deux, quand Jean-Claude avait récupéré un prospectus de l'Office de tourisme de Crépy-en-Valois. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons sur les roses de ce temps-là. Soudain, Monique est assez charmée à l'idée d'aller passer ses vacances en Picardie. Mais quelque chose la tracasse encore. Comment vont-ils annoncer à leurs mômes, Rémi et Elsa, que cette année, les vacances sont picardes? Les gamins rêvent de Sea, Sex and Sun et ils risquent d'être un peu déçus tout de même. Alors Jean-Claude prend les choses en main, il convoque les mômes et leur présente la Picardie, un pays qu'il connaît bien puisqu'il y a déjà passé un week-end à Amiens avec Monique il y a 15 ou 20 ans et son souvenir des Picards est encore intense. Et c'est une belle histoire, mais nous avons eu la chance de connaître ces gens-là dans des conditions où ils étaient tellement eux-mêmes, où ils étaient tellement bien adaptés, tellement en harmonie avec leur terre, que je n'ai jamais eu le courage d'aller les voir mangeant avec des fourchettes. Et s'adaptant, bien sûr, mais pour moi, ce sont des images très, très fortes qui me hantent souvent, au point de me demander si vraiment nous avons vécu cela. C'était fort, c'était puissant, c'était au-delà de tout. c'était aussi une histoire de transcendance. Ouais. Histoire de transcendance ou pas, en Picardie, Elsa, elle, ne s'y voit pas du tout et surtout pas en caravane. De toute façon, pour Elsa, des vacances en caravane, il n'y a rien de pire. Elle veut un hôtel club avec une chambre climatisée. Mais cette fois, Jean-Claude répond à sa gamine que pour une jeune fille, les vacances en caravane, c'est l'extase. Il y a des précédents. La fille du Bédouin suivait nuit et jour cette caravane. Elle connut tour à tour tous les autres Bédouins de la caravane. Et tous les chameliers et tous les âniers en firent leur sultane. La fille du Bédouin avait trouvé le joint pour garnir son couffin. Monique interrompt immédiatement Jean-Claude. Pas de joint pour les enfants. Ils sont trop jeunes. Et puis pas d'alcool non plus. Monique veut des vacances sans excès. D'ailleurs, question alcool, aller en Picardie, ça lui fait peur. Mais Jean-Claude la rassure. C'est pas vraiment des alcooliques, c'est qu'ils boivent pour se réchauffer. Ah oui, mais comme il fait tout le temps froid, ça revient au même. Oh, quel cauchemar. Mais le véritable cauchemar pour Jean-Claude, c'est d'être pétri de clichés. Oui, ils iront cette année en vacances dans le nord de la France et il y fera beau. Non, franchement, cet été, Jean-Claude veut se débarrasser de tous ses préjugés. Bonjour, je m'appelle Renato, je suis coiffeur et je suis pas homosexuel. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans, je suis blonde, j'ai des gros seins, mais je fais pas de porno. Enfin, pas encore, parce que pour l'instant, j'ai fait des trucs soft. Bonjour, je m'appelle Jésus, j'ai réussi, je suis assez connu, mais bon, je suis un fils à papa. Bonjour, je m'appelle Dominique Strauss-Kahn et je suis de gauche. Bonjour, je m'appelle Ernest Antoine et je pense qu'il est important de moins se focaliser sur les revenus financiers et de prendre en considération les employés, car ce sont eux qui constituent l'essence de l'entreprise. Enfin non, je te code. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis gardien de la paix, ma femme est blonde et on s'est abonné au Monde Diplomatique et à Charlie Hebdo parce qu'on trouvait ça important d'avoir une indépendance vis-à-vis des médias. Et puis surtout quand c'est un bon en deux, on gagne un porte-clés convertisseur euro et ma femme a toujours du mal. Hein. Bonjour, je m'appelle Bobby, je suis américain, je suis capable de situer la Côte d'Ivoire sur une carte d'Europe. Bien, alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h41, après avoir découvert à l'instant qu'il faut sans cesse se méfier des préjugés et des camping-cars, il est l'heure, bien entendu, de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à cette jeunesse iranienne qui ne décolère pas depuis la réélection contestée et sans doute contestable de Mahmoud Ahmadinejad le 12 juin dernier. Cela dit, sache qu'avant-hier, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a validé ce scrutin et, dans la foulée, le président réélu lui a répondu hier ceci. Guide, comme un petit enfant et serviteur choisi par la grande nation iranienne, je juge nécessaire de vous remercier cordialement pour la bonne décision que vous avez prise à la prière du vendredi. Ouais, ça sent l'embrouille, hein. Toujours est-il que notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé à la rencontre d'Armin Arefi, un jeune journaliste franco-iranien de 25 ans et qui vient d'exercer son métier à Téhéran pendant 2 ans. Ainsi, chers amis, après un très bref rappel de la situation, découvrons les désirs plus que légitimes de cette jeunesse iranienne. Mahmoud Ahmadinejad réélu pour un second mandat en Iran. Un scénario cauchemar pour ses opposants qui croyaient dur comme fer à la victoire de son principal opposant, Mir Hossein Mousavi. Les jeunes, moi, ce qui m'a marqué durant mes 2 années de voyage, c'est qu'ils étaient vraiment très ouverts vers l'Occident. Ils ne se reconnaissent pas justement dans ce président, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas élu parce qu'ils se sont abstenus massivement il y a 4 ans, en 2005, ce qui a permis de servir sur un plateau la victoire de Ahmadinejad, même s'il y a eu pas mal de fraudes. Ce président a ruiné le pays comme jamais personne d'autre n'avait fait dans l'histoire de l'Iran en à peine 4 ans. Aussi bien en interne, répression accrue, le chômage qui est maintenant, selon les chiffres officiels, 15%, donc ça pourrait être bien pire, l'inflation 25%. Je vous l'avais dit. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Oui, dans ce qu'ils veulent, voilà. Il y a un mois, ils étaient complètement déçus, déprimés, c'était le désespoir. Le mot d'ordre, c'était vraiment, sauf qui peut, tous ceux qui le peuvent quitter le pays. Or, depuis la campagne, le peuple iranien, qui n'y croyait pas trop, a vu tout à coup une effervescence au niveau des débats, au niveau d'une vague verte, donc représentant Mousavi, qui s'est rassemblé justement pour essayer de former une coalition contre Ahmadinejad. Et c'est clair que les débats donc politiques télévisés qui ont été diffusés en direct à la télévision nationale iranienne ont passionné les fous. On a assisté pour la première fois en République islamique à un véritable débat pseudo-démocratique, mais qui était quand même quelque chose de nouveau. Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique. C'est normal. Chaque révolution a sa période de transition. La moitié du pays est illettrée. Le nationalisme ou la morale religieuse sont les seules choses qui puissent rassembler les gens. En 79, quand leurs aînés manifestaient contre le Shah, les slogans c'était « Dieu est grand » et en ce moment, c'est les mêmes slogans qui sont repris, c'est « Dieu est grand ». Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Voilà, on peut faire un parallèle. Maintenant, il est vrai que moi, je m'étonnais justement de ce slogan et puis on me l'a expliqué, en fait, « Dieu est grand », enfin, ce n'était pas vraiment un slogan religieux, c'est une maxime iranienne. Lorsque le peuple est mécontent, lorsque le peuple s'estime floué, donc le peuple iranien est énormément fier, et donc c'est une façon justement d'exprimer cette frustration, ce mécontentement, en lançant justement des odes à la gloire de Allah, donc de Dieu. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas une légitimation de la République islamique, même si bon, certains pourraient penser qu'en disant Dieu est grand, donc ça montre qu'il ne veut pas renverser le gouvernement, mais non. Tout le monde a le choix. Tout le monde a toujours le choix. Tu as oublié que ton grand-père a passé le tiers de sa vie en prison pour avoir défendu les innocents. Et ton oncle Anouche, tu as oublié aussi pourquoi il est mort? Qu'est-ce que je t'ai appris? L'intégrité. Ce mot vous dit quelque chose, mademoiselle? Qu'est-ce qui peut se passer du coup? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de positif avec tout ça? Ou est-ce que... Écoutez, c'est déjà positif dans le sens où le peuple est dans la rue, le peuple exprime son mécontentement et le peuple est décidé à aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, même si bon, c'est parti pour continuer, mais quoi qu'il arrive, ça sera quelque chose d'historique. Et bon, beaucoup disent en Iran aujourd'hui que, autant au niveau du peuple qu'au niveau des institutions, plus rien ne sera jamais comme avant en République islamique. Plus rien ne sera comme avant en Iran. Eh bien, souhaitons-le sincèrement, même si les dernières informations nous laissent à penser que c'est plutôt mal barré pour l'instant, puisque les journalistes étrangers, par exemple, viennent d'être expulsés, sans doute pour organiser tranquillement la répression de ce mouvement contestataire. Cela dit, rassure-toi, car il reste toujours des journalistes téméraires, dignes d'Albert Londres, qui vont pouvoir nous tenir informés malgré tout des derniers rebondissements. International, pour terminer, les manifestations continuent en Iran et le régime d'Ahmadinejad a expulsé tous les journalistes étrangers sur place. C'est donc dans cet atelier que Mohamed Reza fabrique des chichas à la main. La chicha, un objet ancestral... Jean-Pierre, vous êtes en Iran, je croyais que tous les journalistes avaient été expulsés. C'est vrai, mais lorsque j'ai montré ma carte de presse de TF1, ils ont rigolé, puis m'ont laissé faire mon travail. Ça, c'est les journalistes français, ils sont respectés dans le monde entier. Wow. Wow. Wow. Wow. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Siffler sur la colline, c'est ce que faisait le merveilleux Joe Dassin en 1969, tout comme le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, au même moment d'ailleurs. Hé, là-bas, la blonde avec le gosse au pied. Oui, vous avez au papier, je suis de la police. Voyons voir. Ginette. Joli nom, Ginette. C'est votre petit frère, hein? Votre fils, bon, circuler. Alors maintenant, à 11h50, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici sévèrement présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien Philippe, la presse cette semaine nous met en garde contre les apparences. Ah, oui, elle a raison. Alors tout d'abord, c'est le New York Daily News qui nous raconte l'étrange histoire de Thomas Parking, 49 ans, un New Yorkais de Brooklyn, qui vient d'être inculpé pour une fraude freudienne. Ah, oui, ça a commencé en 2003 quand la mère de Thomas est décédée. Il a alors trafiqué le certificat de décès pour faire croire qu'elle était toujours en vie et il a continué à toucher les allocations de retraite et de logement. C'est malin. C'est énorme. Mais ce qui est le plus dingo là-dedans, c'est que depuis 6 ans, il se déguise en vieille dame. Il se fait passer pour sa mère. Ah oui. Ah, Norman Bates, il sort tout droit de Psychose. Bon, pour lui, la douche froide, pourtant, c'est cette semaine, il vient de se faire toper. Voilà. Lors d'une enquête de routine, hein, tout simplement, ils sont venus, comme ça, les inspecteurs contrôlés, ils ont trouvé Thomas habillé avec une veste de femme, du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Alors, bien sûr, il a été inculpé, mais pour se défendre, il a donné une explication. Il était présent au moment du décès. Et il a respiré le dernier souffle de sa mère. Et donc, depuis, bah, il a pris de sa place. Voilà. Bon. Oui, c'est un peu tordu. Et il risque quand même 25 ans de prison. Ah oui. Et, excusez-moi, Philippe, j'entends une remarque de Françoise. Françoise qui nous écoute à Neschin, en Belgique, et qui vient de dire à côté de son transistor que l'on pouvait évidemment s'attendre à une sanction très salée après avoir voulu jouer à la mère morte. Oui, effectivement, Françoise, merci. Voilà, alors toujours dans cette exigence de nous mettre en garde contre les apparences, le quotidien La Provence nous apprend le cas étonnant de ce braqueur de banque à Marseille qui a tenté de faire un cas cette semaine dans le quartier de Pont-de-Vivo. Il est entré dans l'agence bancaire avec un casque de vélo sur la tête, dans une main un pistolet automatique caché dans un sac et dans l'autre main... sa canne. Oui, parce que le braqueur a 90 ans. Et excusez-moi Philippe, parce que j'entends dans mon casque une remarque de Fanny. Fanny qui nous écoute à Bellecombe-Tarandole, dans la Drôme, et qui se réjouit que ce papy ait bien écouté Brice Hortefeux et François Fillon, et qu'il ait repoussé l'âge de sa retraite. C'est très bien, voilà. Bon, Philippe, 90, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps. Voilà, vu comment c'est parti. Alors, non, mais c'est vrai, vous l'avez remarqué, hein, il nous prépare là tranquillement à bosser jusqu'à 67 ans. C'est un classique, ça, en politique. Hein. Faire peur en poussant le bouchon un peu loin. Voilà. Parce que, voilà, petit 1, si ça passe, bon, tant mieux. Voilà, banco, ça banco. Passe. Et petit 2, bah, voilà, les Français accepteront plus facilement la retraite à 63 et 75. Demi. Ouais, parce qu'ils diront, bon, c'est pas top, bah, bon, c'est, voilà, c'est moins mieux. Pire. Voilà, ouais, c'est mieux. C'est moins voilà. Pire. Bon. Ah, nous finirons tous braqueurs nonagénaires, Philippe. Mais cette semaine, le quotidien La Voix du Nord, dans son édition de Cambrai, nous explique qu'une octogénaire, elle, s'est fait voler son sac à main. Et pour illustrer la dépêche, on trouve une photo de Christine Albanel, la ministre de la Culture. Bah oui, fâcheuse erreur, hein, parce que, ok, Christine est KO, mais depuis la censure là, de la loi Hadopi sur le téléchargement illégal, mais enfin quand même, quand même. Bon, là où il y a vraie piraterie, c'est que pour illustrer une autre nouvelle, celle d'un homme tué par balle près de Cambrai, le site internet de La Voix du Nord publie la même photo de Christine Albanel. Voilà, moi je pense que le maquettiste du journal, c'est Nicolas Sarkozy lui-même. Il veut tout lui mettre sur le dos à cette pauvre ministre de la Culture. Elle cumule les boulettes, il n'en peut plus. Voilà, bon, vous avez suivi cette histoire, Philippe. Hein. Le Conseil constitutionnel a censuré la loi Hadopi en s'appuyant sur un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est toujours au préambule de notre Constitution. L'article 11 qui dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Et donc, on ne peut pas l'en priver sans décision judiciaire. Voilà, c'est bien de vouloir protéger le droit d'auteur, parce que quand même, c'est important, mais pas au détriment des libertés fondamentales. Alors d'ailleurs, il est intéressant de constater que l'actualité se rappelle de l'année 1789 en ce moment. Hein. Le Monde consacre un hors-série à la Révolution. Alors justement, que se passait-il en juin 1789 ça, c'est un peu chaud. Quand même. Il y a tout juste 220 ans. Eh bien, en l'espace de quelques jours, la monarchie absolue s'est effondrée. Voilà. Face à la crise financière, Louis XVI avait réuni les états généraux à Versailles et le 17 juin... Les députés, c'est demain, je les réunis tout le monde. Voilà, les députés s'étaient proclamés Assemblée nationale. Le 20 juin, ils prêtaient le serment dans la salle du jeu de paume, hein, de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Bon, face à ce gros grabuge, le roi n'avait rien trouvé de mieux que d'organiser une séance royale pour le 23 juin. Il avait dit oh, Carla, attends-moi, ça va pas être long, je suis de retour ce soir, on ira au Phuket, enfin, c'est super. Bon, hélas pour lui, lors du congrès, les députés du tiers-état ont refusé de se séparer car ils étaient là par la volonté du peuple et que il fallait la force des baïonnettes pour les en arracher. Voilà. Oui, c'est sans doute pour fêter ça que Nicolas Sarkozy a décidé donc de réunir les parlementaires à Versailles. Voilà. C'est vrai que notre président, déjà, c'est bien, il avait obtenu l'autorisation de parler devant la représentation nationale. Bon, ça se discute, mais bon. Mais il va le faire à Versailles, hein, du jamais vu depuis la Révolution. Ah non, c'est énorme, allez, c'est énorme. Ouais, c'est la fête. Mais oui, parce que on sait, notre président, il adore tripatouiller la mémoire et l'histoire. Il avait commencé avec la lettre de Guy Mocquet, il avait récupéré tout ça. Mais attention quand même à l'histoire bibling, hein, parce que c'est ce que dénonce, vous savez, le très utile comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Attention à l'histoire bling. Et, excusez-moi Philippe, décidément les auditeurs sont déchaînés ce matin. J'entends une remarque de Cyril d'Angoulême qui demande si c'est une révolte contre les institutions. Non, Cyril, n'est pas question d'une révolte, ni même d'une révolution, mais c'est sans doute une involution de nos institutions. Merci beaucoup, Monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. Passez un très bel été, mon cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, j'ai pas le micro, voilà. Merci beaucoup, c'est la fin du 168e et dernier épisode de la saison. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. Alors figure-toi que nous nous retrouvons dès le week-end prochain, toujours le dimanche à 11h, pour 10 épisodes de rediffusion thématique avec le même objectif, chahuter tes zygomatiques. Voilà, Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux sur qui je compte beaucoup et que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco pour tout. Assisté aujourd'hui à la technique de Pascal Baldassari et de Cédric Lalanne. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Et au passage, un clin d'œil à toutes les équipes techniques de France Inter qui font un boulot fantastique. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Lina Lhomme. Pour les scuds et tous ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Thierry qui est en studio ce matin avec un peu tout le monde d'ailleurs. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefaillard pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina. Et puis surtout un grand merci à vous toutes et tous, car vous avez été très présents cette année, encore plus nombreux que les années précédentes, et nous vous en sommes très reconnaissants. Juste un dernier mot pour finir. L'année a été dense, intense, parfois même un peu difficile pour essayer de vous offrir 2 heures de plaisir chaque week-end. Alors, à titre personnel, je voudrais devant vous ce matin remercier toute l'équipe du Mangin Palace parce qu'ils ont abattu un travail de titan et je les en remercie infiniment. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, c'est le retour de Chris qui vient nous donner de ses nouvelles et que nous embrassons.